On va parler de soccer avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au 5-5. Salut Benoît. Salut Dan Radio Sport, salut Danny. Ça va bien. Benoît, d'abord, écoute, l'impact, ça commence à être difficile, hein? Ben, l'impact, ça commence à être difficile. Ils ont échappé des beaux matchs, des erreurs de défenseurs comme un gars comme Camacho. On nous a fait perdre deux matchs. Il a fait perdre deux matchs à l'impact, dont le championnat canadien. On va se rappeler tout d'abord la bourre qu'il a fait contre Toronto en fin de match sur la 88e, 89e minute, alors que le match était égal. Un match nul aurait suffi pour l'impact de se qualifier par la suite pour le championnat canadien. La finale du championnat canadien, on sait que la finale d'année du championnat canadien, les équipes de la MLS, l'équipe canadienne de MLS, il y avait un gagnant qui va jouer contre le gagnant de la nouvelle ligue, là, Canada, le Canada Soccer, la Canadienne Première Ligue. Là. Ouais. Ça va se jouer bientôt, cette finale-là. C'est Toronto qui finit premier, mais l'impact, on va se rappeler la mauvaise passe de Camacho. Et c'est le début de la chute à l'enfer de l'impact. Là. Et par la suite, bon, on connaît la suite. Les cartons rouges se sont suivis un après l'autre. Et là, ben, le club se retrouve soudainement en huitième place, en huitième place, alors qu'on prend 10 positions. Et là, on s'enligne dans un calendrier de fou un peu. Mmh. On va jouer plusieurs matchs en quelques temps. Là. Donc, l'Impact est huitième. On est égal avec Nashville en neuvième et Chicago Fire en dixième à un point de différence. Et là, on est en train d'échapper à la septième place tranquillement pas vite. Donc, ça va prendre des victoires. Oui, on a fait l'acquisition d'un joueur cette semaine, mais c'est un jeune. Hein? On manque d'attaquants, ça c'est sûr, mais c'est pas facile pour l'Impact à voir aujourd'hui. Donc, l'Impact ce soir au Red Bull Arena là, contre le Fire de Chicago. Un match important encore, mais on va être dû pour remporter une victoire. Mais est-ce que Tider est supposé d'être de retour? On a Kyoto qui revient de suspension. On voit que Kyoto, quand même, est l'attaquant de pointe de l'Impact cette année. Et est-ce qu'on va essayer Mason Tatoy, le nouveau venu, à voir? Là. OK. C'est où s'il vient, ce Tatoy-là? Hein? C'est un Américain. C'est un Américain d'Annie. Mais ce qui est intéressant, c'est que si ce joueur-là performe un petit peu avec l'Impact, bien, il a 21 ans. C'est un jeune, donc c'est intéressant. Ce qui est intéressant de voir dans sa feuille de route, c'est qu'il a participé avec l'équipe américaine dans les catégories U23, U21, dans les catégories jeunes. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, ce gars-là doit être surveillé pour l'équipe américaine aussi, là, au niveau de l'équipe A américaine. Donc ça, puis faut savoir qu'il a été sélectionné au 7e rang du Super Draft en 2018. Okay. Il joue avec Minnesota. Donc, je pense que si ce joueur-là performe un petit peu avec l'Impact, ça pourrait être une belle avenue là, pour l'Impact à l'attaque. Mais des fois, on peut arriver à un joueur et ça ne fonctionne pas. Comme tantôt, je te parlais, il a joué avec le U23, le U20 et U19 avec les équipes nationales américaines. Donc, ça veut dire que ça peut être intéressant là, pour l'Impact. Là. OK. On va parler maintenant de la Ligue des champions. Il y a eu un tirage qui a eu lieu cette semaine et deux fois Messi et Ronaldo vont s'affronter. Oui, franchement, là, moi, je ne pensais plus revoir Messi et Ronaldo. Et dans le groupe G, ils vont se retrouver, la Juve et le Barça. Je pense que ça va être intéressant de suivre quand même ça. La planète foot aime toujours ces rendez-vous-là, malgré que les gars sont rendus peut-être un peu plus âgés. Là, est-ce qu'on peut dire en fin de carrière? Je crois que oui. Mais je crois qu'ils ont encore des bonnes années devant eux. Ronaldo présentement marque des buts présentement. Le Barça, on connaît la saga du Barcelone avec Messi. Messi a tweeté cette semaine, a fait des posts un peu partout sur la planète disant que il s'excusait auprès des fans, excusez, de la situation qui est arrivée. Mais moi, je pense qu'avec Messi, là, il a dit qu'il était prêt à entamer la saison. Ça fait deux matchs que le Barça joue en Liga. La saison est reprise en Espagne. Mm. Et ils ont deux victoires. Et on va surveiller. On a vu le départ de Luis Suarez. Il y avait ça dans le décor un peu. C'est le nouvel entraîneur du Barça, Koeman, a annoncé qu'il ne voulait plus revoir Suarez. Et c'est là-dessus que Messi, j'ai l'impression, a dit « moi, je m'en vais aussi ». Et par la suite, bien là, on a vu Ansu Fati, le jeune de 21-22 ans, là, 17 ans, je crois, 17-18 ans, là, qui a marqué 2-3 buts à date. Donc, à surveiller. Donc, dans le groupe G des champions d'année, à surveiller. Mais les grands favoris cette année, je pense, c'est le Bayern, qui a une très, très grande équipe. Là. Mais ça va être intéressant de voir le Bayern dans le groupe A contre l'Atlético Madrid, qui justement, Suarez se retrouve avec l'Atlético. À son premier match, Suarez a marqué deux buts Il est embarqué à la 70e minute, je crois. Il a marqué deux buts avec l'Atlético. Ça va être intéressant de suivre. Donc, le groupe A, Bayern-Atlético à surveiller. Dans le groupe B, on a le Real Madrid avec l'Inter de Milan qui devrait, selon moi, faire bonne figure dans le groupe B, parce que les deux autres clubs sont un petit peu moins forts, mais on ne sait jamais. C'est quand même la phase des poules qui est un match aller-retour, donc c'est six matchs. C'est pour ça que les gros canons des Européens là, devraient toujours normalement se qualifier. Dans le groupe C, on a Manchester City avec Porto. On a l'Olympique de Marseille dans ce groupe-là aussi. Ça devrait être intéressant. Dans le groupe D, ben, tu as le Liverpool qui est en Angleterre, qui est présentement la grosse équipe, là. Ça devrait être intéressant. Avec l'Ajax Amsterdam, ça devrait être un bon duel aussi. Atalanta, qui a perdu en demi-finale de la saison dernière de la Ligue des Champions, peut être surveillée. Atalanta est un club italien et l'autre club est pas trop connu. Dans le groupe E, le FC Séville et Chelsea sont les deux clubs à surveiller. Tu as le club de Rennes en France qui peut être intéressant aussi, mais Séville, Chelsea devrait être bon pour passer en se rendant au huitième de finale. Dans le groupe F, ben là, tu penses que le Borussia Dortmund et le Lazio de Rome devraient être intéressants dans ces deux-là. Tu as le Zenit de Saint-Pétersbourg et le club Bruges en Belgique qui peuvent causer des surprises aussi. Et dans le groupe G, comme on a parlé tantôt, la Juve et le Barça qui joueront leur match contre le Dynamo de Kiev et Fenerbahçe en Turquie. Donc, ça devrait être intéressant aussi. Et le dernier, le groupe H, le Paris Saint-Germain et le Manchester United vont se retrouver aussi. Ça devrait être les huitièmes de finale annoncées là, pour les prédictions d'après moi, là. OK, on va y aller maintenant avec ce qui s'est passé ici dans la région. Mais au niveau régional, Dani, la saison d'été s'est déroulée. L'équipe Québec-Est, les équipes du Boreal, d'Alma, du Venturi qui jouaient dans la Ligue Québec-Est, tout est terminé. Ça s'est terminé la semaine dernière pour les U15 masculins. Et là, il y a une petite ligue d'automne qui se joue, là, étant donné que la situation du COVID, la situation régionale a fait une petite ligue d'automne qui va se terminer en milieu octobre. Et en fin de semaine, ça se joue sur les terrains un peu partout, à Saguenay surtout, dans les terrains à Saguenay. Et par la suite, il y aura la ligue, là, les ligues d'hiver qui vont s'inscrire. Les inscriptions se font au centre intérieur à Alma et un peu partout dans la région, dans le Haut-du-Lac, dans le Saguenay, en futsal pour les catégories plus jeunes. C'est un peu ce qui se passe au niveau Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on a aussi... Il y avait des équipes qui devaient aller à la Québec Métro, mais vu l'histoire de la pandémie et des couleurs où ça s'est rendu, donc les équipes ne sortiront pas de la région pour cet hiver. OK. Benoît, on se reparle bientôt. Fait que Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean.